আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়া লা উদওয়ানা ইল্লা আলাল যালিমিন। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আম্মা বা'দ, শেখ খানজেসর, নু কন্টিনিউ পার লা গ্রাস দাল্লাহ la suite des cours sur la biographie résumée des quatre califes de l'islam. La semaine dernière, nous avons vu en introduction la croyance que le croyant doit adopter à l'égard des nobles compagnons. Parmi les fondements de cette croyance, avoir la conviction que les meilleurs hommes après les prophètes et messagers sont les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même, la conviction que les meilleurs des compagnons sont les quatre califes bien guidés, et ceci à l'unanimité des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de suivre sa sunna ainsi que la sunna de ses califes bien guidés. Et ceci dans le hadith de Arbad ibn Sariya radiyallahu anhu. Il nous a également enjoint de rester sur le droit chemin qu'il a caractérisé comme étant le chemin sur lequel il était ainsi que ses compagnons, lui et ses compagnons. Comment donc espérer la félicité et la réussite en suivant un chemin autre que le chemin et la voie des compagnons, radiyallahu anhum? Comme a dit le poète, tarju an-najata wa lam tasluk masalikaha inna as-safinata la tajri 'ala al-yabas. Tu cherches à être sauvé mais tu n'empruntes pas le chemin pour être sauvé. Certes, le bateau ne peut voguer sur la terre sèche. Avant de commencer, une question se pose: pourquoi étudier la biographie des compagnons? Nous pouvons citer de manière résumée, premièrement, afin de connaître l'histoire des gens qui ont reçu les éloges et l'agrément du Seigneur de l'univers, connaître à travers leur biographie ce qui leur a permis d'atteindre l'agrément d'Allahu Azza wa Jal. De même, de témoigner de l'amour qu'ils portaient à Allah, l'amour qu'ils portaient à sa religion, et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même, témoigner des efforts qu'ils ont fournis dans le sentier d'Allah, dans le secours de la vérité. Témoigner à quel point ils ont devancé Allah à leur propre personne, à leur bien et à leur famille. De manière générale, s'arrêter et méditer sur l'état de cette génération, qui était la meilleure des générations, comme ceci est rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. La meilleure des générations ou les meilleurs gens sont les gens de mon siècle, ensuite ceux qui suivent et ensuite ceux qui leur succèdent. De même, voir et témoigner de leur engouement pour l'apprentissage de la religion, de la science, de la mise en pratique et de la transmission de cette religion. Témoigner également des efforts qu'ils ont fournis afin de préserver cette religion. À travers l'apprentissage de leur biographie, le cœur du serviteur, du croyant véridique, se remplit d'amour à leur égard. Et le cœur de celui qui est touché par la maladie, c'est-à-dire l'aversion qu'il peut porter à leur égard, se dissipe avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. On demande à Allah Azza wa Jal de remplir nos cœurs d'amour envers les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci car aimer les compagnons fait partie de la religion et de la foi, alors que les détester ou avoir de l'aversion ou de la haine à leur égard fait partie de l'hypocrisie. On demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre de suivre la voie et la méthodologie des compagnons, ces compagnons qui n'ont pas dévié d'un empan du chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud disait: man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayy la tu'man alayhi al fitna ulaika ashabu Muhammadin kanu afdal hadhihi al umma أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. Dans le sens, Abdullah ibn Mas'ud disait: celui qui veut prendre un exemple ou celui qui veut prendre un exemple dans la religion, qu'ils prennent en exemple ceux qui sont morts, car le vivant n'est pas à l'abri de la fitna, c'est-à-dire des troubles ou de l'égarement. Voici les compagnons de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient les meilleurs de cette communauté. Ils avaient les cœurs les plus purs, la science la plus parfaite, et ils étaient ceux qui exagéraient le moins en religion. Allah les a choisis pour la compagnie de son prophète et pour établir sa religion. Reconnaissez leurs mérites, suivez-les et accrochez-vous à leurs traces, à leurs voies, du mieux que vous pouvez, dans leur comportement, dans leur biographie, et sachez qu'ils sont ou sachez qu'ils étaient sur la voie droite. Après cela, le premier calife de l'islam, le véridique, le meilleur homme après les prophètes et messagers, est Abu Bakr, radiallahu anhu. Son nom complet est Abdullah ibn Uthman, ibn Amir, ibn Amr ibn Ka'b, ibn Sa'd, ibn Taym, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, al-Qurashi, al-Taymi. Il est Abdullah, fils de Uthman, fils de Amr, fils de Ka'b, fils de Sa'd, fils de Taym, fils de Murra, fils de Ka'b, fils de Lu'ay, de la tribu de Quraysh et al-Taymi. Il rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la lignée à partir de Murra ibn Ka'b. On l'appelle aussi Ibn Abi Quhafa. Il est surnommé Abu Bakr al-Siddiq. La communauté entière s'est accordée sur son appellation al-Siddiq, le véridique, car il a accouru et s'est empressé d'attester de la véracité du prophète. À ce sujet, Aïcha, la mère des croyantes, radiallahu anha, rapporte dans un hadith authentifié par Cheikhun al-Albani, rahimahullahu ta'ala, dans le sens du hadith, lorsque le prophète a informé les gens de la Mecque qu'il avait fait le voyage nocturne jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, certains parmi ceux qui avaient cru ont apostasié car ils n'y ont pas cru. Les gens vinrent alors à Abu Bakr, radiallahu anhu, et lui dirent « Es-tu au courant de ce que ton compagnon raconte ?» Il prétend qu'il a voyagé de nuit jusqu'à Jérusalem pour revenir la même nuit. Abu Bakr, radiallahu anhu, dit alors « S'il a dit cela, c'est qu'il a dit la vérité, c'est qu'il a dit vrai. » Ils lui dirent « Crois-tu à ce qu'il raconte ?» Abu Bakr dit alors « Je le crois et le rends véridique dans ce qui est plus grand que cela. Je le rends véridique pour la révélation qui lui vient matin et soir. » Voilà pourquoi il fut surnommé As-Siddiq, le véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a également nommé ainsi dans le hadith rapporté par Anas ibn Malik. Dans ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sa'ida Uhudan wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa Uthman. Farajafa bihim أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت يا أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. Le prophète صلى الله عليه وسلم est monté sur le mont Uhud et il y avait avec lui Abu Bakr, Omar et Othman. Le mont Uhud se mit alors à trembler. Le prophète صلى الله عليه وسلم s'adressa alors au mont en lui disant « Ô Uhud, reste calme car il y a sur toi un prophète, un véridique et deux martyrs ». Il est également surnommé Abu Bakr et également surnommé Atiq, l'affranchi. Ceci est rapporté dans le hadith de Aïcha, rapporté par At-Tirmidhi. Abu Bakr rentra un jour chez le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Tu es l'affranchi d'Allah du feu de l'enfer ». À partir de ce jour, il fut également surnommé Atiq, l'affranchi. Abu Bakr, radiallahu anhu, est né 3 ans après l'année de l'éléphant, dans laquelle est né le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc plus jeune que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était déjà ami du prophète avant l'avènement de ce dernier. Avant l'islam, il était très apprécié du peuple de Quraysh. Il faisait même partie de ceux qui avaient une place et était très respecté du peuple de Quraysh. Il était un commerçant bien avant l'islam. Et bien avant l'islam, il s'était interdit, lui et Othman, le vin. Il fut le premier homme à se convertir à l'islam. Il soutenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la religion de par sa personne, de par ses biens. Il était riche et il dépensa tout son argent dans ou pour la cause d'Allah azza wa jal. D'ailleurs, à cet effet, Allah Azza wa Jal a révélé les versets 17 à 19 de Surat al-Layl. Il dit, Subhanahu wa ta'ala, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Dans le sens rapproché des versets, alors qu'en sera écarté le pieux, qui donne ses biens pour se purifier, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur, le Très-Haut, et certes il sera bientôt satisfait. À ce sujet, les exégètes sont unanimes pour dire qu'il s'agit de Abu Bakr. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, il dit « Ma nafa'ani malun qattu, ma nafa'ani malu Abi Bakrin, fa baka Abu Bakrin wa qal, hal ana wa mali illa laka ya Rasul Allah. » Dans le sens, il n'y a pas des biens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas des biens et argent qui m'ont été plus profitables que les biens et argent de Abu Bakr. Abu Bakr se mit alors à pleurer et dit, ô messager, moi et mon argent t'appartiennent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, il dit, ما من أحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن الله فإن له عندنا يد يكافيه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله. Dans le sens rapproché du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a personne qui nous ait fourni un soutien matériel sans que nous lui ayons rendu l'appareil, sauf Abu Bakr. Allah le lui rendra le jour dernier. Et il n'y a pas des biens qui m'ont été plus profitables que les biens de Abu Bakr. Et si je devais prendre un ami proche intime, j'aurais pris Abu Bakr en ami proche intime. N'est-ce pas que votre compagnon, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est l'ami intime proche d'Allah Azza wa Jal. Parmi les récits qui prouvent que Abu Bakr est celui qui a le plus dépensé pour la cause d'Allah et que personne ne peut atteindre son degré, il y a le récit de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Omar radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé un jour de faire des aumônes. Cela se présenta à une époque ou à un moment dans lequel j'avais de l'argent. J'ai alors dit, s'il y a bien un jour où je devancerai Abu Bakr, c'est bien ce jour. Je suis alors venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la moitié de mes biens. Le prophète me dit alors, qu'as-tu laissé pour ta famille? Je dis alors, la même part que j'ai donnée en aumône. Ensuite, au même moment, Abu Bakr vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec tous les biens qu'il possédait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'as-tu laissé pour ta famille? Il dit, radiallahu anhu, je leur ai laissé Allah et son prophète. Omar dit à ce moment, je ne le devancerai jamais dans quoi que ce soit. Parmi les mérites de Abu Bakr, 5 compagnons parmi les 10 promis au paradis se sont convertis par sa cause. 5 compagnons qui font partie des meilleurs compagnons. Othman ibn Affan, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Talha ibn Ubaidillah et Sa'd ibn Abi Waqqas. Il a également participé à tous les événements avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la bataille de Badr, de Uhud, des tranchées, à la conquête de la Mecque, à Hunayn, à Tabouk. Il était présent aussi lors de l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre. Il était également présent au pèlerinage d'adieu et d'autres événements. Il fit partie également de ceux qui sont restés fermes lorsque les gens ont fui lors de la bataille de Hunayn et de Uhud. Il fait partie également des compagnons qui ont mémorisé le Coran en entier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'honorait beaucoup, l'encensait et faisait ses éloges. Il était également l'homme le plus aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ceci est rapporté dans le hadith de Amr ibn al-As. Ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Amr ibn al-As a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la personne que tu aimes le plus? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, Aïcha. Il dit, et parmi les hommes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, son père. Il dit, et ensuite qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Omar. Parmi ses nombreux mérites, il est le premier à avoir eu l'annonce du paradis. Parmi ses mérites également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi pour qu'il soit son compagnon pour l'égir, jusqu'à ce qu'il fût mentionné dans le Coran, et ceci en réalité suffit comme mérite. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Dans le sens rapproché des versets, si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni. Deuxième de deux, quand il était dans la grotte et qu'il disait à son compagnon « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous ». Parmi ses mérites, Abu Bakr était prompt à faire le bien. Dans le hadith de Abi Huraira, rapporté par Muslim, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man asbaha minkum al-yawma sa'ima » قال أبو بكر أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. Dans le sens du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour, alors qu'il était avec ses compagnons, « Qui d'entre vous a jeûné aujourd'hui ?» Abu Bakr dit « Moi ». Le prophète dit alors, « Qui d'entre vous a suivi un convoi funéraire aujourd'hui ?» Abu Bakr dit « Moi ». Le prophète dit alors, « Qui d'entre vous a nourri un pauvre aujourd'hui ?» Abu Bakr dit alors « Moi ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Qui d'entre vous a visité un malade aujourd'hui ?» Abu Bakr dit « Moi ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit et dit « Ces œuvres ne sont pas réunies chez une personne sans qu'elle ne rentre au paradis ». Parmi les mérites de Abu Bakr est qu'il sera appelé par toutes les portes du paradis. Il est rapporté dans le hadith de Abi Huraira, rapporté par Al-Bukhari, qui a dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Man kana min ahli salah, du'ya min babi salah, wa man kana min ahli jihad » دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان فقال أبو بكر ما على هذا الذي تدعى من تلك الأبواب من ضرورة وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله فقال نعم وَأَرْجُوا أَن تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ. Dans le sens du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui faisait partie des gens de la prière dans ce bas monde sera appelé au paradis par la porte des prieurs. Celui qui faisait partie des gens du combat sera appelé par la porte des combattants. Celui qui faisait partie des gens qui donnaient l'aumône dans ce bas monde sera appelé au paradis par la porte des donneurs d'aumône. Celui qui faisait partie des jeûneurs dans ce bas monde sera appelé par la porte des jeûneurs et par la porte de Ar-Rayyan. Abu Bakr dit alors, est-ce qu'il y a un mal à ne pas être appelé par toutes les portes? Et y aura-t-il quelqu'un qui sera appelé par toutes ces portes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, oui, et j'espère que tu seras parmi eux, ô Abu Bakr. Les allusions du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Abu Bakr pour sa succession sont nombreuses. Parmi celles-ci, il y a premièrement le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé à la tête de la délégation pour le pèlerinage. De même, lors de sa maladie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on ordonne à Abu Bakr de diriger la prière des musulmans. Aïcha rapporte, radiallahu anha, qu'à ce moment, elle dit au messager, Abu Bakr est un homme qui pleure beaucoup lorsqu'il lit le Coran. Il est très sensible à la lecture du Coran. Si seulement tu pouvais désigner quelqu'un d'autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa et confirma Abu Bakr. De même, un autre jour, il demanda qu'on ordonne à Abu Bakr de diriger la prière. Le compagnon qui était Abdullah ibn Zama'ata, ne voyant pas Abu Bakr, demanda à Omar de diriger la prière. Lorsque Omar commença la prière avec le takbir, le prophète entendit sa voix et dit à ce moment, Allah et son prophète ne veulent qu'Abu Bakr. Allah et son prophète ne veulent qu'Abu Bakr. Et ceci est la preuve la plus forte qui prouve qu'Abu Bakr est celui qui est le plus en droit de succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, dans le hadith de Jubayr ibn Mut'im radiallahu anhu, une femme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda de venir plus tard ou de revenir plus tard. Elle dit alors, ô prophète, si je ne te trouve pas, c'est-à-dire présent ou vivant. Il dit alors rendez-vous chez Abu Bakr. En ce qui concerne le califat et la gouvernance de Abu Bakr, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut un choc terrible pour les musulmans, jusqu'au point où ils furent bouleversés. Ce fut la plus grande épreuve que les musulmans aient connue. Anas ibn Malik a dit à ce sujet, le jour où le prophète entra à Médine, toute chose s'illumina, et le jour de sa mort, toute chose s'assombrit. Certains compagnons ne voulaient pas y croire, ou ne voulaient pas croire à cette nouvelle. Et alors que les compagnons étaient bouleversés dans cet état, Abu Bakr fit preuve de fermeté et de sang-froid. Il monta alors sur le minbar, la chaire, il loua Allahu Azza wa Jal, il fit ses éloges et dit cette phrase immense. Il dit « Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. » Il dit « Celui qui adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort. Quant à celui qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt pas. » Par la suite, il récita les versets de Surat Ali Imran « وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ أَفَإِمْ مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ » Dans le sens des versets, Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Est-ce que s'il meurt ou est tué, vous retournerez sur vos talons? Celui qui retourne sur ses talons, alors cela ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompensera les reconnaissants. Voilà un des événements à travers lequel s'est distingué Abu Bakr. À la suite de cela, les compagnons s'étaient accordés de mettre à leur tête un parmi les émigrés. Abu Bakr lui-même avait proposé Omar ou Abu Ubaïda. Omar lui dit alors, mais plutôt nous te prêtons allégeance, tu es notre guide, le meilleur d'entre nous et le plus aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi nous. Omar rappela aux compagnons les mérites de Abu Bakr afin d'appuyer cette décision en disant « Ne voyez-vous pas que le prophète l'a devancé et lui a ordonné de guider la prière des gens? Qui d'entre vous serait tranquille à l'idée de devancer Abu Bakr ?» Les compagnons radiallahu anhum dirent alors « Qu'Allah nous préserve et nous garde de vouloir se devancer à Abu Bakr. » Aussitôt, Omar lui prêta allégeance. À la suite, les émigrés en firent de même, suivis des auxiliaires. Il fut un calife juste, droit, sur les pas du prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas soucieux et avide d'avoir la gouvernance. Bien au contraire, il était réticent à l'idée de prendre cette responsabilité. Ceci de par la science qu'il avait concernant cette responsabilité devant Allah, et également la peur qu'il avait d'être manquant envers ses administrés, envers la communauté, bien que les compagnons avaient la conviction qu'il était le plus à même de cette responsabilité. Abu Bakr a souvent répété aux musulmans ce sentiment qu'il avait. Il disait « Par Allah, je n'ai jamais été soucieux et avide de la gouvernance. Même pas un jour ou une nuit, je ne l'ai jamais recherché et je ne l'ai jamais demandé à Allah en privé ou en public. Mais j'ai été soucieux des troubles. » Il était très humble et ascète. Durant son califat, il a conquis l'Irak et la Grande Syrie. Parmi les positions fermes qu'il a eues lors de son califat, de sa gouvernance, il y a la position qu'il a eue lorsque les gens ont apostasié de leur religion en refusant de donner la zakat après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, radiallahu anhu, par Allah, s'ils refusent de donner ne serait-ce que le bout de corde qu'ils donnaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je les combattrai pour leur refus. Omar, radiallahu anhu, lui dit à ce moment, comment les combattre alors que le prophète a dit, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Et s'ils font cela, ils auront préservé leurs biens et personne. Et certes, ils ont témoigné de cela. Abu Bakr dit alors, لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. Je combattrai quiconque fait la distinction entre la prière et la zakat. Omar fut convaincu par la parole de Abu Bakr et se rangea à ses côtés pour combattre les apostats. Les apostats furent combattus et Abu Bakr rendit aux musulmans leur unité. D'ailleurs, à cet effet, Ali ibn al-Madini, rahimahullah ta'ala, a dit cette phrase: Inna Allah ayyad hadha ad-din bi rajulayn la thalitha lahuma Abu Bakr as-Siddiq yawm ar-Ridda wa Ahmad ibn Hanbal yawm al-Mihna. Il dit: Allah a secouru cette religion avec deux hommes, Abu Bakr as-Siddiq le jour de l'apostasie et Ahmad ibn Hanbal le jour de l'épreuve, l'épreuve de la parole de la création du Coran. Parmi les mérites de Abu Bakr, le Coran fut rassemblé à son époque lors de son califat. Il était celui qui avait le plus de miséricorde pour cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Le plus miséricordieux de ma communauté pour ma communauté est Abu Bakr. Il était le plus courageux et celui qui avait le plus de science d'après le consensus des musulmans, comme sa fille Aïcha radiallahu anha, la mère des croyantes, et celle qui avait le plus de science parmi les femmes. Quant à sa mort, Abu Bakr tomba malade au début du mois de Jumad al-Akhira. Quelques jours après, sentant que sa fin était proche, il appela Othman radiallahu anhu afin de le consulter sur sa succession. Othman lui conseilla Omar al-Farouq, ce qui consolida sa première intention qu'il avait. Il lui ordonna alors d'écrire le nom de Omar pour sa succession. Et ceci est une preuve qu'il est permis de désigner son successeur de son vivant, chose que refusent et réfutent les gens des passions et de l'innovation, car ceci est une entrave dans leur intention d'arriver au pouvoir. Abu Bakr, radiallahu anhu, souhaitait mourir le même jour que le jour dans lequel est mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il mourut le lundi 23 du mois de Jumad al-Akhira, radiallahu anhu. Il avait laissé en recommandation que son lavage devait être effectué par sa femme Asma, radiallahu anha. Après cela, Omar, radiallahu anhu, pria sur lui. Il avait aussi demandé à Aïcha qu'il soit enterré aux côtés du prophète, son bien-aimé. Il fut enterré aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa tête à hauteur de l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Omar rapporte que son califat dura à peu près 2 ans et 7 mois. Il mourut à l'âge de 63 ans, en l'an 13 de l'Hégire, radiallahu anhu. Voici de manière résumée la biographie du célèbre compagnon, Abu Bakr. Et quoi que l'on puisse écrire ou dire concernant Abu Bakr, cela ne vaudrait et ne correspondrait même pas à 1/10 de sa vie et de sa biographie réelle. Cet homme pieux, la terre n'a pas connu de semblable après les prophètes et messagers, radiallahu anhu. On demande à Allah Azza wa Jal de nous ressusciter en compagnie des prophètes messagers véridiques et pieux et de nous regrouper avec eux dans son vaste paradis. On demande à Allah Azza wa Jal de nous assister et de nous permettre de suivre le chemin, de cheminer sur le chemin, sur les pas de ceux qui ont cheminé sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fanaktafi bihadha al-qadr. Nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, avec la mention de la biographie de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.